Nous sommes à l'AG du Crédit Mutuel et nous allons interviewer une personne. Êtes-vous un client ou un partenaire ? Je suis un client du Crédit Mutuel. Dans quelle commune habitez-vous ? À Venanceau. Qu'attendez-vous d'une banque ? Une banque, elle doit me rendre les services dont j'ai besoin, quand il faut emprunter ou quand il faut des sous, quoi. Donc je vais en chercher, je vais voir mon chargé de clientèle, je m'occupe de ce qu'il faut, de mes affaires avec mon chargé de clientèle. Pourquoi avez-vous choisi cette banque ? Parce que je travaillais au Crédit Mutuel quand j'étais en activité. Maintenant, je suis en retraite, je ne peux pas travailler encore, mais je connaissais le Crédit Mutuel et donc je suis resté client fidèle. Qu'est-ce que vous appréciez au Crédit Mutuel ? Eh bien, le contact. Les gens que l'on connaît bien, on est bien reçu, on arrive dans une agence, on n'est pas un inconnu. Moi, j'aime bien. Merci.